au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. C'est un pays très très propice à la fois à la solitude et à une sorte de manifestation grégaire. Il y a un existentialisme qui est vraiment australien et qui est là, dans ce visage tanné, dans cette personne qui se bute contre les éléments et qui essaie de rester toujours le coude straight, sur l'histoire, anglais. Le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La catastrophe sanitaire que le monde connaît actuellement en a occulté une autre qui est en vérité gigantesque. Je veux parler des incendies immenses qui ont ravagé l'Australie depuis septembre 2019 jusqu'en mars dernier. Il suffira pour en prendre la pleine mesure de rappeler qu'au long de 240 interminables jours, 18 millions de kilomètres carrés ont été ravagés, soit l'équivalent en superficie de l'Irlande entière ou encore d'un tiers du territoire français. De rappeler que 3000 habitations ont été détruites, qu'enfin on évalue à plus de 3 milliards le nombre d'animaux qui auraient péri, menaçant de disparition plusieurs espèces. L'Australie face à son espace, tel sera donc notre thème ce matin. Moins que jamais, l'histoire en l'occurrence ne peut faire l'économie de la géographie. Les dimensions de cette île-continent, grande de 7 fois la France, organisée tout autour d'un vaste désert central et constamment sous-peuplée au regard du reste de la planète, n'ont pas cessé en effet de définir son destin. Tout le démontre. Les relations de l'homme et de la nature, la spécificité de la colonisation britannique, les rapports entre les Européens et les populations aborigènes présentes sur ce sol depuis 60 000 ans, les composantes des immigrations successives, les formes de l'exploitation des richesses minérales et agricoles, le fonctionnement des pouvoirs politiques avant et après l'indépendance au début du XXe siècle, les avatars d'une diplomatie originale dans l'univers asiatique et jusqu'à l'originalité des relations d'un peuple avec sa mémoire. J'ai choisi ce matin pour guide Xavier Ponce, professeur à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Entre autres travaux reconnus sur l'Australie, il a proposé un inventaire lucide des nombreuses idées reçues qui l'entourent. Il va lui revenir de pourfendre celles-ci ou de les nuancer pour notre profit. Et d'abord Michel Butor. Michel Butor, qui, dans les samedis de France Culture, en janvier 1980, décrivait de la façon suivante le désert australien, le grand espace. C'est un désert dans lequel il y a beaucoup d'arbres. Ces arbres sont très étranges parce qu'ils ont l'air d'être morts. Ce sont des arbres sans feuilles, ou presque sans feuilles, et ce sont des arbres qui ne projettent pas d'ombre. Et sur le sol, il y a de nombreuses plantes qui, en général, ont l'air complètement mortes, elles aussi, et qui brusquement vont revenir à la vie lorsqu'un nuage s'égare dans ces immensités. Et de temps en temps, il y a de la pluie qui tombe, un peu de pluie, une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Et immédiatement, la végétation endormie se réveille. En quelques heures, tous ces buissons qui auparavant sont couleur de fer, gris fer, sur le sol rouge, eh bien, tous ces buissons vont pousser des petites feuilles et des petites fleurs immédiatement. On a l'impression de voir le dessin du nuage, la forme du nuage, qui est projetée en fleurs et en végétation sur le reste du désert. Et ce désert, un des points les plus impressionnants, c'est justement qu'il n'y a pas de silence dans ce désert. C'est un désert qui est rempli de mouches, un désert qui bourdonne d'insectes. Et évidemment, il y a le vent, les craquements du sol. Au lever et au coucher du soleil, la température change brusquement. Donc le désert devient plein de bruit pendant un certain temps. Xavier Ponce, bonjour. Bonjour. Je vous ai donné à entendre Michel Butor parce qu'il connaissait très bien l'Australie, il l'aimait beaucoup, il a souvent enseigné dans les universités. Je me demande si l'image qui nous donne de l'espace, au moins du côté du désert, correspond à votre propre impression, à la manière dont vous voyez ce pays après l'avoir tant fréquenté vous-même. Je crois que l'image du désert que donne Michel Butor est assez juste, mais incomplète. Parce qu'il n'y a pas que du désert en Australie. Il y a des régions où il pleut beaucoup. Les régions tropicales connaissent une saison des pluies où il pleut abondamment. Les routes deviennent impraticables. Il y a des inondations considérables. Donc l'Australie a à la fois cet aspect de terre désertique, mais aussi un aspect de jungle. C'est, pour reprendre un cliché, une terre de contraste. Mais l'Australie ne se résume pas au désert. Bien que le désert occupe une partie considérable de son territoire et a joué un rôle dans la construction de l'Australie, naturellement. Alors l'eau, l'absence d'eau, la sécheresse, le feu... D'un extrême à l'autre. Ces incendies récents, épouvantables, ont des précédents qu'on connaît dans le passé ? L'Australie a toujours brûlé. Hein, elle est, je dirais même qu'elle est, elle est faite pour ça. Enfin, du moins la végétation. L'espèce végétale dominante, c'est l'eucalyptus, et pour se reproduire, l'eucalyptus a besoin de feu, parce que ses graines sont prises dans des coques boisées très dures, et pour que ces coques s'ouvrent, il faut les exposer à une chaleur extrême. Et donc, l'eucalyptus a besoin du feu, et il le nourrit par l'huile contenue dans ses feuilles. Donc il favorise le feu passe par là, réduit l'arbre à un tronc noirci, on croit qu'il est mort, mais on revient 15 jours après, il a repris son aspect tout à fait normal, c'est son cycle normal de connaître les ravages du feu et puis de s'en remettre. Et quand même, j'ai regardé une chronologie des incendies antérieurs depuis 20 ans, jamais ils n'ont connu cette dimension impressionnante et dramatique en vérité. C'est exact. Les choses se sont aggravées. Alors, il n'y a pas une seule explication à cela, mais parmi les diverses explications qu'on peut avancer, il y a le fait que les Européens ont méprisé la culture aborigène et ne se sont pas inspirés des pratiques aborigènes pour maîtriser le feu. Donc, comme je vous le disais, le feu est endémique en Australie. Il y en a toujours eu. Et les aborigènes maîtriser ces feux, ils allumaient des feux préventifs, des feux de broussailles, pour éviter que les incendies prennent des proportions trop grandes. Alors ces feux qu'allumaient les aborigènes, ils avaient pour but d'une part de chasser les animaux qui devenaient plus faciles à attraper par les aborigènes, et d'autre part de favoriser la repousse d'herbes qui attiraient les kangourous. Autre gibier que chassaient les aborigènes. Donc les aborigènes avaient mis au point une pratique du feu qui était très efficace et que les Blancs n'ont pas su reproduire. Actuellement, on se tourne de plus en plus vers les traditions aborigènes en matière de gestion du feu pour éviter des incendies catastrophiques. Donc dès l'orée de notre conversation, nous rencontrons en face de l'espace australien la grande question des relations entre les aborigènes et les Européens. Oui. Les aborigènes étaient là depuis 60 000 ans. Les Européens, notamment les Britanniques, c'est beaucoup plus récent. Alors oui, les Européens sont arrivés, les premiers Européens, on pense vers le début du XVIIe siècle, peut-être la fin du XVIe. Il y avait des navigateurs européens, d'abord portugais, qui se sont approchés des côtes australiennes, mais on n'a pas de preuve qu'ils aient débarqué. Il y a une légende qui court, qui dit que sur une plage du sud de l'Australie, il y a les restes d'une caravelle portugaise. On appelle ça the Mahogany Ship, le navire d'acajou. Mahogany. Et les dunes l'auraient enseveli. Et parfois, comme les dunes ça bouge, parfois, on a vu émerger le squelette de ce bateau. Mais personne n'a pu en fait le trouver. C'est sans doute une légende. Même pas vous, vous n'avez pas été creusé non. sur place, Xavier Ponce. Non, j'y suis pas allé. Ensuite, il y a eu les navigateurs portugais, dont Torres, qui a donné son nom au détroit qui sépare la Papouasie de l'Australie. On sait que Torres est passé par là, mais il ne s'est pas rendu compte que les côtes qu'il voyait, c'était les côtes australiennes. Il ne s'est pas rendu compte de ça. Il croyait que c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il a pas débarqué, il a laissé aucune trace de son passage. Donc, ensuite, sont arrivés les Hollandais, au début du XVIIe siècle. Eux, ils venaient d'Indonésie, puisqu'ils avaient établi une colonie, les Indes orientales néerlandaises. Ils sont restés jusqu'au XXe siècle. Ah oui, ils y sont restés jusqu'à la fin des années 40. Et à partir de cette base, de leur ville de Batavia, qui est devenue Jakarta, ils ont lancé des expéditions qui sont allées jusqu'au Cap York, au nord, qui ont contourné tout le continent pour aller en Tasmanie. C'est le nom même de Tasmanie célèbre Tasman. Le navigateur Abel Tasman, qui a continué aussi après vers la Nouvelle-Zélande. Tasmanie, c'est au sud. C'est au sud, oui. C'est l'île au sud du continent. Et donc, ça a été les premiers Européens. Ensuite, sont venus les Anglais. Cook n'était pas le premier Anglais à poser le pied en Australie. Hein. C'était un dénommé William Dampier qui, à la fin du XVIIe siècle, a posé le pied en Australie pour la première fois. Mais alors pourquoi est-ce que en 1988, on a choisi de célébrer le bicentenaire, d'ailleurs avec beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'éclat, le bicentenaire de l'Australie, en Australie. C'était l'arrivée de James Cook. Pourquoi a-t-il été privilégié? Pourquoi ce moment a-t-il été choisi comme symbolique? Parce que Cook a pris possession de l'Australie au nom de la couronne britannique. Donc voilà, ça marquait une étape symbolique, parce que matériellement, ça n'a rien changé sur le moment. Mais il y a eu une prise de possession qui a ouvert la voie, si vous voulez, à la colonisation. Donc Cook a débarqué, s'est frotté aux aborigènes, il y a eu des rencontres hostiles. Et d'autres relativement oui, amène. Plus amène en tout cas, puisque Cook a eu des problèmes de navigation. Un de ses navires a été abîmé sur la côte du Queensland du Nord, donc il a fallu qu'il fasse étape, le temps de réparer, et il a eu des contacts là avec les aborigènes, et ça s'est plutôt bien passé. En gros, ceci est particulier par rapport à d'autres colonisations, qu'il n'y a eu ni traité d'accord, ni conquête véritablement par la force. Voilà, il n'y a eu aucun consentement donné par les aborigènes. Ils mettent cela en avant régulièrement en disant « on nous a pris notre pays sans nous demander notre avis ». Ils étaient à l'époque probablement beaucoup plus nombreux, 1 million, peut-être, on ne sait pas très bien. On ne sait pas, c'est difficile à dire, on ne sait pas au juste. Alors il est arrivé par le sud, que serait-il passé si, un moment d'Uchronie, d'histoire-fiction si vous le voulez bien Xavier Ponce, que se serait-il passé si les navigateurs étaient arrivés vers le nord, qu'ils avaient pu dépasser la barrière de corail qui a empêché Bougainville de venir? Oui, on ne le saura jamais évidemment, mais on peut... Jouer un instant. Oui. On peut tenir compte de divers facteurs. Le fait que les aborigènes qui peuplaient la côte nord de l'Australie, la terre d'Arnhem en particulier, avaient des contacts avec le monde extérieur en particulier. Alors, sûrement avec des Chinois. On a trouvé des pièces chinoises dans le sable de la région. Et de façon absolument certaine, avec des Indonésiens, des pêcheurs indonésiens venus des îles voisines et qui venaient pêcher le trépang, la bêche de mer. Et ils fumaient ces mollusques. Alors ils s'installaient, ils construisaient des campements avec l'autorisation des aborigènes. La grosse différence, c'est qu'eux, ils demandaient la permission. Mais je vous ai lu, j'ai vu que vous pensez que si on est arrivé par le nord, le destin de l'Australie aurait pu changer. En partie, peut-être, parce que les aborigènes du nord avaient l'expérience des étrangers et savaient négocier avec les étrangers. Mais alors que les aborigènes du sud n'avaient jamais eu de contact avec un autre peuple. Ils ne concevaient pas qu'il y ait des humains différents d'eux-mêmes. Alors quand ils ont vu surgir ces Européens, ils n'ont pas su comment réagir. Certains disaient « c'est des fantômes de nos ancêtres morts qui reviennent, la couleur blanche étant associée à la mort, qui reviennent, donc il faut les accueillir. » D'autres disaient « non, c'est des envahisseurs, il faut les repousser. » Ils ne savaient pas sur quel pied danser. Si les Anglais étaient arrivés par le nord, les aborigènes les auraient reconnus en tant qu'étrangers, se seraient inquiétés de leurs intentions et auraient probablement su mieux réagir. Est-ce que à long terme, ça aurait changé grand-chose? Peut-être. Nous laisserons la question ouverte. Ce qui, dès l'origine de cette arrivée des Européens, dès le 18e siècle, intrigue, c'est la manière dont s'est conçue, en Europe notamment et ailleurs, une perception de l'Australie dans cet espace. Je relève ce propos d'Arthur Koestler qui m'a frappé en 1969. Je ne me suis jamais fait d'image mentale de l'Australie. Pour ce qui est de la plupart des pays, qu'on y soit allé ou non, on a tendance à leur associer, naïvement sans doute, quelque image ou symbole. Les geishas pour le Japon, les toreros pour l'Espagne, etc. Mais l'Australie restait un espace vide dans ma tête. Les kangourous ne sont pas des gens et les convois de bagnards sont aussi lointains que les pères pèlerins. Il y a quand même les kangourous et les bagnards. Je vous vois faire une moue. Oui, parce que bon, l'opinion de Koestler, là, il fait de la provocation. Hein. Je voulais par son truchement vous provoquer, Xavier Fons. Alors, réagissez. Non, je pense que d'abord, les Européens se sont fait une idée de l'Australie avant de la découvrir. Avant même de savoir qu'elle existait vraiment et à quoi elle ressemblait. Les antipodes, parce qu'on postulait qu'il devait exister une masse terrestre importante dans l'hémisphère sud pour équilibrer les masses de l'hémisphère nord. Sinon, le globe aurait basculé sur son axe. Pour qu'il tienne stable, il fallait bien qu'il y ait une Terre. Alors, bon, déjà, Aristote... Terra Australis Incognita. Aristote et Ptolémée l'ont pensé les deux. Voilà. Tous les deux. Donc, on avait postuler l'existence de l'Australie depuis fort longtemps. Et on écrivait même des pièces de théâtre sur ces antipodes. On imaginait que c'était l'inverse de chez nous, des gens qui marchaient sur la tête, par exemple. Vous voyez. Et il y a eu des œuvres littéraires écrites ayant pour contexte une Australie totalement imaginée, puisque les Européens n'y étaient pas encore allés voir. Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas de représentation mentale de l'Australie. Ensuite, au XIXe siècle, l'Australie, en particulier du fait de l'arrivée vers l'or, l'Australie a beaucoup parlé aux imaginations européennes. C'est le pays où on allait faire fortune. Donc il est un peu excessif de la part de Koestler de dire que non, ça n'évoque rien. Mais il y avait des animaux étranges. Surtout, il y avait des animaux étranges, mais en plus les relations avec l'Europe ont été... Les kangourous, c'est pas le plus étrange. C'est un animal relativement étrange, mais qui a des côtés familiers. Le plus étrange, c'était l'ornithorynque, bien sûr. Ah oui, vraiment, ça a l'air d'un canular, celui-là. On a cru, à l'époque, on a cru que c'était un canular, qu'on avait pris un corps de mammifère, on y avait greffé un bec de canard, on avait cousu un bec de canard. Enfin, que bref, c'était pas possible qu'une créature pareille existât. Pour en revenir à ce qu'évoquait l'Australie dans l'esprit des Européens, il faut quand même rappeler que des milliers de soldats australiens sont venus se battre en Europe pendant la Première Guerre mondiale et les gens du nord de la France conservent le souvenir de ces Australiens-là. Donc, je veux dire, dans les années 1920-1930, je ne sais pas quand c'est que parlait Koestler, mais déjà, il y avait quand même... En 69. 69, vous voyez. Oui, non, c'était longtemps après. C'est vrai que la Première Guerre mondiale a constitué une sorte de creuset de la nation australienne. Mais restons un instant sur ce contact entre les nouveaux venus et les aborigènes. Oui. Avec des clichés. Je rappelais que vous avez fait un livre sur les idées reçues, oui. Et sur les clichés, les stéréotypes qui sont nombreux. Peut-être allez-vous en dénicher quelques-uns dans cette interview d'un documentariste qui s'appelait Jacques Villeminot, qui est interrogé par Pierre Ishak. Il donne, on est en 1954, vous allez voir que le ton est d'époque, une description des aborigènes dans l'émission Union française, magazine de la France d'outre-mer. D'abord, en reste-t-il beaucoup ? Il en reste assez peu. Il en reste à peu près une cinquantaine de mille au dernier recensement. Et ils sont retranchés dans le centre et dans le nord de l'Australie. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de l'Australie blanche, de la civilisation, par des déserts très importants. Et oui, souvent, par des milliers de kilomètres de désert. Par des milliers, par 1500 ou 2000 kilomètres de désert. Et une partie importante, je dois dire, sont en contact avec des blancs. Contact assez superficiel du fait que ce sont déjà des bushmen. Ils ne rentrent pas dans les villes. Ils travaillent à entretenir les pistes, ils travaillent chez les agriculteurs, les éleveurs. Et quelques tribus du centre, je veux dire, il en reste très peu, continuent maintenant encore leurs coutumes ancestrales avec relativement peu de modifications. Bien, voulez-vous me dire un peu ce que c'est que c'est, en quelques mots, comment vivent ces gens-là? Eh bien, ce sont tout d'abord de grands nomades. C'est le trait principal, ceux du centre, je ne connais pas ceux du nord. ceux du centre sont grands nomades, ils ont à lutter contre une nature hostile et leur existence se passe à la recherche de la nourriture. Et pour ça, c'est souvent une recherche bouleversante, obsédante, car ils ne trouvent pas toujours cette nourriture. Ils sont quelquefois contraints à manger des racines, des lézards et même des serpents. Oui, mais je ne crois pas qu'ils soient contraints. Plus exactement, leur nourriture est basée sur l'exploitation méthodique de tout ce qui peut être alimentaire. Oui, bien sûr, mais pour nous, ça nous... J'entends dans les productions spontanées, qu'elles soient végétales ou animales. C'est exact. Ça va de l'escargot au kangourou et de n'importe quelle racine à n'importe quel petit melon sauvage. Oui, mais pour nous, c'est tellement choquant, ça semble impensable et ils semblent très malheureux. En vérité, ils ne sont absolument pas malheureux parce que, comme vous le dites, ils sont parfaitement adaptés à cette existence. Et ils n'ont évidemment ni agriculture, ils n'ont aucun cheptel, ils n'ont même pas de village, même pas de hutte, ils se couchent généralement à même le sol. Et... Simplement à même le sol autour d'un feu. Autour d'un feu, oui, des bâtons de feu qui restent enflammés très longtemps, des bâtons en bois très durs, qui se consument lentement. Et leur outillage ? Eh bien, leur outillage est extrêmement limité à 4 ou 5 objets. Et justement, par, si je puis dire, leur art ménager, ces indigènes d'Australie sont abaissés au plus bas échelon des races humaines. Alors, Xavier Ponce, ce regard qui est déjà vieux de 70 ans, ce regard vous paraît bienvenu Il me paraît très daté. Hein. C'est J'avais envie de vous le faire dire. Une série de clichés qui ne sont vrais qu'en petite part. Par exemple, les aborigènes sont aujourd'hui environ 750 000. À l'époque, il donnait le chiffre de 50 000. Ça, entre 50 000 et 750 000, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que dans les années 50 encore, on pensait que les aborigènes se dirigeaient tout doucement vers l'extinction. C'était le vœu de certains, d'ailleurs. C'était le vœu de certains. Actuellement, cette perspective n'existe plus. Ensuite, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par aborigène. Un certain nombre de blancs, surtout à l'époque, dans les années 50, disaient les aborigènes, les seuls vrais, c'est ceux qui vivent quasiment à poil dans le désert et qui courent après les kangourous. Il y avait des aborigènes dans les villes, mais ceux-là, ils étaient abattardis, c'était pas des vrais, c'était même pas la peine de s'intéresser à eux. Or, c'est une question importante parce que il fallait bien pouvoir reconnaître les aborigènes, les distinguer des autres. Et l'Australie a mis au point une définition qui me paraît excellente pour déterminer qui est aborigène, qui ne l'est pas. Alors, il faut, pour être en quelque sorte étiqueté aborigène, il faut descendre des premiers habitants du pays, donc il y a une composante génétique. Il faut s'identifier soi-même comme aborigène, on ne peut pas vous coller cette étiquette contre votre gré. C'est très important. Et troisièmement, donc il y a une composante, disons, psychologique ou individuelle, et il y a une composante sociale. Il faut être accepté comme aborigène par un groupe aborigène. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui crée l'identité aborigène. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'aborigènes qui sont de sang mêlé. Et la situation de sang mêlé est... déjà, l'expression sang mêlé, half-caste, ça vient d'une classification... opéré par les Blancs. Les Blancs ont classé les aborigènes en fonction de la proportion de sang européen qu'ils avaient. Pour les aborigènes, on est aborigène ou on ne l'est pas. Quelle que soit la proportion de sang, entre guillemets, aborigène qui coule dans vos veines. Et le métissage a été utilisé comme une arme par les colons pour se débarrasser des aborigènes. À force de métissage, on pensait qu'il finirait par disparaître, s'assimiler et disparaître. C'est toute la durée des décennies où on a rêvé du côté des Européens en fait de faire de l'Australie une terre exclusivement blanche. Exactement. Peut-être à ce propos faut-il rappeler qui ont été les premiers immigrants venus pour la plupart de Grande-Bretagne, mais pas seulement, les fameux bagnards en particulier, les oui. Botany Bay. Est-ce que là encore, il ne faut pas pourfendre, comme vous aimez à le faire, Xavier Ponce, quelques idées reçues? Alors, l'idée reçue... Les bagnards et les putains. Oui, l'idée reçue qui traînait tout au long du 19e siècle, c'est que l'Australie souffrait d'une tare de naissance. Parce qu'elle était née en quelque sorte dans les fers. Elle avait, du fait que les premiers colons étaient des forçats, des criminels ou des délinquants qui avaient été condamnés à la déportation. Et par conséquent, avec un matériau aussi médiocre, aussi immoral, on ne pouvait pas espérer construire une grande nation comme les États-Unis, par exemple. Hein. Comme parmi les forçats, il y avait beaucoup d'Irlandais, qu'à l'époque, les Irlandais étaient considérés comme des sauvages, hein, pas vraiment blancs. Hein. Les Anglais considéraient que les Irlandais, c'était des nègres à la peau blanche. Alors assez vite, il y a eu une opposition qui s'est constituée entre les convicts qui ont été émancipés. Oui. Quand on leur donnait un ticket of leave, ils devenaient en quelque sorte affranchis, comme on aurait dit autrefois, oui, affranchis oui. leurs conditions de bagnard, et puis les colons qui étaient libres et qui étaient, oui. étaient arrivés. Dans cet immense espace, à un moment donné, la Grande-Bretagne, installant l'Australie dans son empire, a rêvé de pouvoir l'occuper. Simplement, c'était si grand que ce n'était pas concevable. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, effectivement. Quand James Cook a pris possession de l'Australie, il n'avait aucune idée de la forme du continent ni sa superficie. Donc il a pris possession de l'Australie en fonction de critères géographiques abstraits, méridiens. De la côte est jusqu'à un méridien qui en fait coupait l'Australie par son milieu. Donc c'est tout ce que, qui était la possession britannique. Le reste n'appartenait à personne. Et puis, évidemment, les choses ont évolué. Les Britanniques ont occupé tout le continent pour faire pièce aux ambitions de Napoléon, qui envisageait de s'installer en Australie-Occidentale, enfin d'y fonder une colonie française. Et ensuite, les divers États se sont dégagés de l État originel, qui s'appelait la Nouvelle-Galles du Sud, qui au départ couvrait tout le territoire. Mais petit à petit, d'autres États ont été, excisés de la Nouvelle-Galles du Sud. Donc, il y a eu le Victoria, il y a eu l'Australie méridionale, il y a eu le Queensland. D'où le système fédéral. Là, voilà. Où les gouverneurs, les États ont beaucoup d'autonomie, comme aux États-Unis à peu près. Oui, oui, c'est un système fédéral et les États ont effectivement beaucoup d'autonomie. Ils sont très inégalement peuplés par nature. Oui, il y a deux gros États qui sont la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria qui concentrent l'essentiel de la population. On est là aux origines, on le voit bien dans ce que vous dites des aborigènes et des colons, du rêve de faire une Australie exclusivement blanche. Et le passage tout récent au multiculturalisme mérite aussi d'être considéré. Mais pour l'heure, c'est vraiment l'espoir d'occuper tout le territoire, mais avec le problème du manque d'immigrants, parce qu'on ne peut pas avoir assez de Britanniques pour venir là. Écoutez donc cette interview de Peter Bruce, un Australien installé en France, qui évoque ce qu'a été le 19e siècle, en comparaison avec la manière dont on peut, en Europe, distinguer les temps, et en particulier les siècles. Vous me direz ensuite si vous agréez son point de vue. C'est un extrait des Samedis de France Culture du 5 janvier 1980, déjà 40 ans. Moi, je pense que le siècle du 19e siècle, elle a avancé très très très loin dans le 20e siècle en Australie. Le 19e siècle termine vers 1959 en Australie. Peut-être elle ne termine en fait qu'à la guerre de Vietnam. Moi, je pense que le 19e siècle, le vrai chronologique qui était en Australie, c'était une sorte de 17e siècle, parce que c'était un siècle d'esclavagistes, c'était un siècle de colonies, de forçats, c'était un siècle qui était vécu aux États-Unis deux, trois siècles d'avant. Et puis après ça, on entame le 19e siècle, peut-être vers 1880. Mais ça dure. Ça dure dans les habits, ça dure dans les coutumes, ça dure dans des attitudes conservatrices. Est-ce que l'Australie est restée victorienne encore jusqu'en 1950? Ah oui, absolument. À ce point-là? Absolument. Autant plus que le symbole de l'Australie, pour un historien australien qui est assez rigolo, le symbole de l'Australie, c'est le piano. Qui, chaque fois que les Australiens vont à l'intérieur, quand même, ils emmènent leur piano. Ils n'ont rien. Ils essaient de créer une sorte de salon victorien avec un piano dedans. Il joue au piano. Au milieu du désert, à Alice Springs, par exemple, on peut trouver ça. Absolument, absolument. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. On doit peut-être à ce propos rappeler que le fameux film de Jane Campion, Le Piano, se passe en Nouvelle-Zélande et non pas en Australie. Mais laissons cette dimension musicale, si vous le voulez. Qu'est-ce que vous pensez, Xavier Ponce, de cette idée d'une sorte de glissement temporel, d'une sorte de tectonique des plaques entre nos siècles en Europe et ce qui se serait passé en, en Australie. Cela vous paraît pertinent ? Oui, ça me paraît pertinent, en effet. Je crois que l'époque victorienne s'est prolongée en Australie jusqu'à aux années de la guerre du Vietnam, comme disait Bruce. Plusieurs éléments le montrent. D'abord, une obsession avec la pureté raciale, qu'on retrouve par exemple aux États-Unis au XIXe siècle, pour interdire les relations entre blancs et noirs. Hein. On parlait aux États-Unis de la « one drop rule », si vous avez une goutte de sang noir qui coule dans vos veines, vous êtes africain, hein, quelle que soit votre apparence. En Australie, il y avait la même obsession de la pureté raciale. Il fallait créer une société qui soit pure. Donc il fallait éliminer les gens de couleur, et peut-être aussi les Irlandais, hein, parce que ils n'étaient pas tout à fait au bon niveau. Et puis il y a les Chinois. Dès les années 1840 comme bergers, parce que l'un des problèmes qu'a toujours affronté l'Australie, c'est le manque de main d'œuvre. Parce que pour se rendre en Australie, c'est long, c'est dangereux, c'est cher. La démographie et l'espace, c'est vraiment au cœur de cette émission consacrée à l'Australie. Absolument. Face à son espace. Si on compare avec les États-Unis, on voit qu'un immigrant potentiel, anglais ou irlandais ou français d'ailleurs, qui se dit « bon, je ne peux pas vivre dans mon pays, je vais m'expatrier, où vais-je aller ?» Ben, il était bien plus facile de traverser l'Atlantique et d'aller s'installer aux États-Unis. Ça, c'était plus rapide, c'était moins cher, c'était moins un saut dans l'inconnu. Tandis qu'elle est dans l'Australie. Alors, l'Australie a été obligée de subventionner l'immigration. Les gens allaient en Australie parce qu'on les payait, on leur payait le voyage. Et on a fait venir notamment des bergers chinois, puisque l'industrie de l'élevage s'est vite développée. L'Angleterre avait besoin de laine pour son industrie textile, donc on a élevé des moutons à grande échelle, il fallait des bergers. Et les Européens n'avaient pas envie de cette vie qui était horrible. Vous étiez seul pendant des mois et des mois, vous ne voyez pas un petit vivre, vous n'aviez que la compagnie de moutons qui n'est pas forcément très stimulante. Si vous le dites. Hein. Donc, on a eu recours à des Chinois. En tout cas, je vois un voyageur qui s'appelle Ludovic de Beauvoir, qui publie Voyage en Australie en 1876, rejoint les préjugés évidemment de la population dite blanche, puisqu'il écrit, je ne sais pas s'il a un rapport avec Simone de Beauvoir, il écrit « Les Chinois ici sont déguisés en Européens, ce qui leur donne tout à fait, écoutez bien, l'aspect de singes habillés en hommes. » Il doit refléter là le point de vue de beaucoup d'Européens à l'époque. « Il se carre, en véritable dandy, fumant de gros cigares et remplissant les rues de leurs cris aigus. Ils ont aussi leurs banques décorées d'enseignes écarlates où chaque soir, ils viennent verser ce qu'ils ont découvert dans la terre déjà 20 fois lavée. » Là, ce sont les mines d'or. Oui. Fin de citation. Oui. C'est impressionnant. C'est raciste, oui. Oui, ça, j'ai bien noté, oui. Ben effectivement, il y a beaucoup de Chinois qui sont arrivés pour chercher de l'or. Les bergers chinois, c'était anecdotique du point de vue numérique. Hein. Ils n'ont jamais été très nombreux. Mais la découverte d'or, particulièrement dans l'état de Victoria, a attiré énormément de Chinois. Et ça a créé des tensions raciales très très fortes. Il y a eu des pogroms, il y a eu beaucoup de violences dont les Chinois ont été victimes. Et les Blancs, les Européens, disaient « il faut interdire l'accès de l'Australie aux Chinois, il n'y a pas d'autre solution ». Et cette politique se continue, puisqu'il y a le fameux, en 1901, le fameux Immigration Restriction Act, oui, qui va constituer pendant plus d'un demi-siècle la pierre angulaire de la politique australienne dans ce domaine. Oui. Et on est encore là, loin du multiculturalisme d'aujourd'hui. Oui, mais même aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que tous les immigrants ne sont pas les bienvenus en Australie, hein, que en particulier les réfugiés, ceux qui arrivent par bateau, font l'objet d'une incarcération immédiate, où ils peuvent passer des années en détention dans un centre, enfin on va dire à rétention, dans un centre de rétention, sans aucun espoir d'en sortir, sauf miracle. Il y a l'exemple de ce détenu qui s'appelle Behrouz Bouchani, qui est un Kurde iranien, qui est arrivé par bateau, fuyant son pays, parce que les Kurdes étaient persécutés. Et il a été envoyé dans un camp de rétention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans l'île de Manus, il y a 4 ou 5 ans. c'est contemporain, hein, tout à fait. Et il a écrit un livre, No Friend But the Mountain, avec la montagne comme seul ami. C'est un proverbe kurde, paraît-il. Il l'a écrit sur son portable et il l'a envoyé à un ami en Australie. Sorte que ça fait un livre qui a été publié, qui a eu un prix littéraire, le prix littéraire le plus richement doté d'Australie. Ça l'a rendu célèbre. Mais le gouvernement australien a dit non, pas question qu'il pose les pieds en Australie. Pas question. Alors la Nouvelle-Zélande avait offert d'accueillir un certain nombre de ces détenus. Mais l'Australie a dit non, pas question, parce que ça ferait comme un appel d'air. S'ils savent qu'ils peuvent aller en Nouvelle-Zélande après, ils vont commencer par affluer en Australie. On ne veut pas de ça. Ils sont sous les verrous. On les laisse sous les verrous. L'appel d'air, il est naturel dans un pays tellement peu peuplé. Ouais. 25 millions d'habitants seulement dans un pays qui est grand comme 15 fois la France. Oui, 14 fois la France, oui. On avait inventé au début du siècle quelque chose qui était apparemment ingénieux, c'était le système de la dictée. Alors le système de la dictée est un système horriblement hypocrite qui consistait à déguiser le racisme sous un vernis culturel. On disait, on est prêt à accueillir tout type d'immigrants pourvu qu'ils parlent un peu anglais. Alors on va leur faire une dictée. Ceux qui réussiront la dictée pourront entrer et les autres ne pourront pas. Sauf que la dictée n'était pas donnée en anglais. Elle pouvait être donnée dans n'importe quelle langue. Parfois, c'était en hongrois pour les oui. Chinois, c'était assez oui. Désorientant. Absolument désorientant, oui. Et par exemple, il y a un journaliste tchèque dans la fin des années 30 qui voulait faire une tournée de propagande en Australie pour alerter sur les dangers d'Hitler. Et il ne voulait pas s'installer, il voulait juste faire une tournée de conférence. Et le gouvernement a dit, oh, c'est un agitateur communiste, non. On ne le laisse pas débarquer. Alors, on lui fait faire une dictée en gaélique. Évidemment, il a échoué. Alors, lui, vous ne pouvez pas entrer. Il a sauté du bateau, il s'est cassé la jambe. Il a bien fallu qu'on le soigne en Australie. Il avait une jambe cassée, donc on l'a soigné en Australie. Et il a profité de ça pour. Vous voyez, on a raison de se méfier des étrangers. Hein. Il a profité de ça pour saisir les tribunaux. Et dire le gaélique n'est pas une langue officielle. Donc votre test est sans valeur. Et les tribunaux l'ont donné raison. Il y a un autre domaine où la justice a fonctionné, mais très très lentement. C'est la question des indemnités qu'on pouvait apporter éventuellement aux aborigènes pour une reconnaissance de leur droit foncier qui avait été violé. Et là, on est dans les années de l'après-Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui. C'est un élément de querelle et de querelle des mémoires. Oui. Je vais vous faire entendre une chanson que vous connaissez bien, à vrai dire, c'est vous qui me l'avez suggéré, Xavier Ponce, « Beds are burning ». Vous allez nous expliquer le sens de ce mot, les lits brûlent. C'est une chanson très fameuse là-bas, du groupe de rock australien Midnight Oil. Le chanteur est le fameux Peter Garrett. C'est une chanson de 1987. Nous allons l'écouter et puis après, vous nous en traduirez les paroles, si vous le voulez bien. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has Que nous dit Peter Garrett dans cette chanson « Beds are burning » ? Il nous dit que les Australiens blancs ne seront jamais chez eux en Australie tant qu'ils n'auront pas rendu justice aux aborigènes. Et que donc le « Beds are burning », c'est leur chez-soi des Australiens qui est en feu, qui est traversé de tensions, parce que le pays a été volé aux aborigènes. Dans les paroles de la chanson, il y a « It belongs to them, let's give it back ». Ça leur appartient, rendons-le leur. Et donc, c'est une exigence de justice vis-à-vis des aborigènes. Et d'ailleurs, Peter Garrett n'est pas le seul à reconnaître que les Australiens, même d'aujourd'hui, ont un sentiment d'aliénation face à leur pays. Il y a le plus grand poète australien qui s'appelle Les Murray, qui est mort récemment, il y a quelques années, disait dans un de ses poèmes, « Il faudra des siècles avant que bien des gens se sentent vraiment chez eux dans ce pays. Les Blancs ? Oui, les Blancs. Oui. Parce que le pays a été volé aux aborigènes, il a été colonisé sans leur consentement, il a été colonisé à leurs dépens, et depuis, ils demandent réparation de cette injustice fondamentale. La justice, d'ailleurs, a légèrement et lentement bougé quand même, le fameux procès Mabo contre l'État de Queensland, de quoi s'agit-il ? La colonisation a fait que toute la terre du continent australien est devenue propriété de la couronne britannique. Donc les aborigènes n'avaient plus aucun droit. Et ils ont voulu faire, ils ont dit, écoutez, on habite là depuis 60 000 ans, c'est à nous. Et on voudrait que vous le reconnaissiez. Et ils ont eu beaucoup de mal à obtenir cette reconnaissance. Par exemple, Gough Whitlam avait nommé une commission, la commission Woodward, je crois, dans les années 70, pour essayer de trouver moyen de rendre des terres aux aborigènes. Déjà, les consignes données à la commission, c'est-à-dire de trouver moyen de rendre des terres aux aborigènes, c'était révolutionnaire. Mais le juge, qui était très qui avait beaucoup de sympathie pour la cause aborigène, Woodward, a dit ben, « c'est pas possible, juridiquement, telle que la législation est aujourd'hui, non, on peut pas la rendre ». Terra nullius, c'était l'idée que la terre n'appartenait à la terre de personne. Oui, c'est ça. C'est une fiction juridique totale, bien entendu. Mais c'est là-dessus que se sont basés les Anglais pour prendre possession de cette terre. Et il a fallu attendre les années 90 pour que la législation évolue. Et c'est en 1992 qu'a été... Alors, il y a ce Eddie Mabo a fait entamé une action juridique judiciaire, pardon. Il a fallu 10 ans pour que qu'elle aboutisse. Et il était mort quand le jugement définitif a été prononcé en 92, jugement qui reconnaissait que les aborigènes avaient des droits fonciers. Parce que dans la perspective européenne, pour montrer que vous êtes propriétaire de quelque chose, il vous faut un document, un titre de propriété. Évidemment, les aborigènes n'en avaient pas. Et la loi de 92, justement, a reconnu qu'il y avait d'autres titres de propriété que les documents à l'européenne. Certains hommes politiques ont évolué aussi dans la même direction, notamment du côté du travaillisme. Je pense à cette personnalité assez rayonnante qui a été Gough Whitlam, oui. Premier ministre brièvement, oui. Qui a d'ailleurs été renversé par une sorte de coup d'État institutionnel. Gough Whitlam, au début des années 70, a mis fin à l'ère victorienne en Australie. Alors, l'ère victorienne se caractérisait, on l'a vu, par ce racisme, mais aussi par un puritanisme qui était sans équivalent dans le monde. Il y avait une pudibonderie en Australie. Par exemple, un livre tel que L'amant de Lady Chatterley est resté interdit en Australie après qu'il ait été autorisé en Grande-Bretagne. Il y avait Il a fallu du temps en Grande-Bretagne aussi, mais enfin, oui, moins mais... de temps. Il y a eu une censure impitoyable qui tous les grands classiques comme Ulysses de James Joyce, ne parlons pas des livres de Philip Roth, hein, Portnoy et son complexe, tout ça évidemment c'était strictement interdit. Donc il y avait une pudibonderie que Whitlam a fait en grande partie disparaître. Il a mis fin à la politique de l'Australie blanche, il a mis fin à la pudibonderie qui prévalait dans le domaine culturel. Et il a essayé de rendre des terres aux aborigènes. Il a réussi en partie. Parce que je vous disais que le président de la commission qu'il avait nommée avait dit non, on peut rien faire. Parce que c'est les États qui étaient propriétaires, enfin, théoriquement propriétaires des terres. Et le gouvernement fédéral ne pouvait rien faire. Par contre, dans le territoire du Nord, qui était géré directement par le gouvernement fédéral, ou du moins le gouvernement fédéral avait plus de pouvoir, là, Whitlam a pu rendre des terres à la tribu des Gurindji, qui était une tribu militante, ils avaient milité pour de meilleures conditions de salaire, de travail, et pour qu'on les reconnaisse en tant que propriétaires de leurs terres. Il y a à cet égard une photo fameuse, n'est-ce pas ? Oui. C'est celle où on voit Whitlam qui verse une poignée de terre dans la main tendue de Vincent Lingiari, qui est un des dirigeants des Gurindji, oui, qui symbolise cette restitution qui n'a été que partielle, hein, et qui était plus symbolique que substantielle. Un personnage assez lumineux, Whitlam. Oui. Je trouve que je l'avais rendu visite en 78, peu de temps après qu'on l'ait contraint de quitter le pouvoir. Il avait une culture très supérieure à celle de la plupart des membres du personnel politique d'Australie. Et il connaissait très bien l'Europe. Il avait vraiment une vision. À cet égard, oui. Son action a vraiment marqué un tournant. Absolument, parce qu'il a instauré le multiculturalisme, il a instauré aussi des relations diplomatiques avec la Chine, ce qui est quand même très important pour l'Australie. Il n'empêche qu'il y a eu des allers-retours, on n'a pas progressé de façon linéaire, et il y a eu des débats autour de la question de l'enseignement dans les lycées. La gestion de la mémoire est toujours très intéressante. Oui. Et puis un débat ensuite, parce qu'il y a eu un premier ministre très conservateur qui s'appelait Howard, qui s'en est pris un musée du monde aborigène à Canberra pour en changer le directeur, en faire quelqu'un qui n'était pas complaisant. Oui, oui. Et tout ça a beaucoup agité les universités, qui sont souvent de très grande qualité, et le monde politique en général. Il y a eu un débat entre historiens, tout d'abord, avant que le débat ne gagne le reste de la société. On a appelé ça les guerres de l'histoire, the history wars. Alors, la question était de savoir si on présentait l'histoire australienne comme une marche triomphale vers le progrès et la prospérité, ou si on mettait l'accent sur la face sombre de cette histoire, à savoir le quasi-génocide des aborigènes, le racisme institutionnel, la politique de l'Australie blanche, etc. Alors des gens comme Howard disaient non, ce qui importe, c'est notre marche vers le progrès, et le reste, c'est beaucoup moins important, il ne convient pas d'y attacher trop d'importance. Et ces guerres de l'histoire, je pense, ont révélé des fractures très profonde au sein de la société australienne, des fractures qui perdurent. Hein, alors après Howard, il y a un Premier ministre qu'il faut saluer aussi, c'est Kevin Rudd, qui a progressé aussi dans la même direction. Oui, Kevin Rudd avait beaucoup plus de sympathie pour les aborigènes, et avant d'être élu Premier ministre, il s'était engagé à demander pardon aux aborigènes pour le mal qu'on leur avait fait. Et ça a été effectivement un de ses premiers gestes, en février 2007, de demander officiellement pardon aux aborigènes. Là encore, c'est un geste symbolique, hein, la portée pratique de ce geste est très très limitée. Mais le symbolisme avait suffisamment d'importance pour qu'un certain nombre de députés de droite quittent l'hémicycle au moment où Kevin Rudd présentait ses excuses. Je voudrais, pour clore notre conversation, Xavier Ponce, revenir, puisque j'ai évoqué votre livre sur les idées reçues, revenir à une autre image que nous avons en ce qui concerne l'Australie en face de son espace, de sa faune en particulier, sur la fameuse affaire des lapins. Ça pourrait paraître anecdotique pour conclure, mais peut-être, en réalité, cette affaire et la vision qu'on en a est-elle néanmoins éclairante? Écoutez donc cette causerie du professeur au Collège de France qui était Roger Heim, un botaniste éminent, et qui évoque cela en 1950. Vous allez voir que on peut dater, d'après la manière dont il s'exprime assez aisément au mi-temps du XXe siècle, cette émission. C'est peut-être en Nouvelle-Zélande et en Australie qu'il faut aller chercher les meilleurs exemples de telles transformations. Le plus spectaculaire concerne le lapin d'Europe, dont l'introduction en Australie et en Nouvelle-Zélande s'est révélée une catastrophe nationale. Plusieurs essais d'introduction de lapins avaient échoué au cours de trois quarts de siècle. Et c'est le jour de Noël 1859 qu'une cargaison de 24 de ces animaux débarquant à Victoria devait trouver son exceptionnel avenir. Cependant, ils s'y multiplièrent lentement au début, car les chats sauvages en limitèrent le nombre. Et 30 ans plus tard, après une pullulation soudaine, était édictée la première loi pour sa destruction. Piège, poison, clôture, rien n'y fit. Leur multiplication astronomique a entraîné des mesures de lutte dont l'ampleur fut gigantesque. Les deux tiers de la partie méridionale du continent australien furent envahis. Des millions de livres sterling ont été dépensés, des centaines de milliers de kilomètres de clôtures dressés, des centaines de millions de lapins détruits. Et leur montée continue. Récolte, pâturage subissent d'énormes dégâts. Le sol, miné par l'effet des terriers, se délite, glisse au long des pentes. L'érosion, progressant comme un chancre, transforme l'aspect des pays, nivelle les collines, écrase les ondulations. On a voulu lutter contre l'animal par ses ennemis. Furets, hermines, belettes ont été introduits. Et ces animaux se sont attaqués non aux lapins, mais aux oiseaux et petits mammifères utiles. Si bien que le remède tenté a accéléré plutôt la catastrophe. On peut dire que plus du quart des possibilités économiques de l'Australie sont réduites du fait du lapin. Terrible lapin. Est-ce que on a des motifs, Xavier Ponce, d'en faire un portrait aussi sinistre? Dans les années 50, oui, je pense que c'était justifié. À l'heure actuelle, un peu moins, parce qu'on a combattu le lapin avec la myxomatose, qui a décimé les populations de lapins. À dessein, on leur a donné... Exprès, oui. Certains lapins s'étant révélés immunisés contre ce virus, le problème a ressurgi. On a mobilisé un autre virus, le calicivirus, qui a lui aussi décimé les populations de lapins. Le problème apparaît sous contrôle. Mais la question du lapin nous renvoie au processus de colonisation, à savoir que pour s'approprier l'espace australien, qui est un espace extrêmement étrange pour les Européens, il a fallu l'humaniser. Et on l'humanise comment? D'abord en donnant des noms. On a donné des noms qui feraient bon l'Angleterre, avec des îles comme Newcastle, Brighton, etc., en donnant des noms familiers à cet environnement qui ne l'était pas du tout. Canberra, ça vient de quoi, par parenthèse? Canberra, il paraît que c'est un terme aborigène qui veut dire lieu de rendez-vous. Donc c'est une exception. C'est une exception. C'est une ville, c'est la capitale qui a été artificiellement construite en 1908, qui donne l'impression d'ailleurs d'être conforme à ce que disait Alphonse Allais sur les villes à construire à la campagne. Oui. Tellement on a compté large et tellement de l'espace. Elle a été conçue par un architecte américain. Je ferme la parenthèse. Alors donc, l'une des façons de prendre possession de l'espace, ça consiste à le peupler de créatures familières. Alors créatures familières des animaux. On a importé, par exemple, des moutons, des bovins, qui sont des animaux à sabots. Alors que les sabots abîmaient le sol. Eh oui, parce que les animaux australiens n'ont pas de sabots. Et le sol n'était pas préparé à être piétiné par des sabots, et il s'est beaucoup délité. Le kangourou n'a pas de sabots, je l'annonce à nos auditeurs. On a introduit des animaux exotiques, des plantes exotiques également, comme le figuier de Barbarie, qui s'est étendu, qui a couvert des hectares et qui devenait impropre à l'agriculture, du coup. Là, on a trouvé le remède. La guerre biologique a connu quelques victoires. Là, on a introduit un insecte, le cactoblastus, qui a bouffé le figuier de Barbarie, et donc l'Australie a pu s'en débarrasser, ou du moins le contenir. Par contre, il y a le problème du crapaud de la canne à sucre. Alors bon, expliquez-nous le crapaud de la canne à sucre. Dans le nord du Queensland, on cultive la canne à sucre. Et on s'est aperçu qu'un parasite venait abîmer les récoltes. Alors on a cherché une arme contre ce parasite, et quelqu'un a eu la brillante idée de dire « Oui, mais ouais, il y a un crapaud qui mange ce parasite ». On a importé le crapaud, qui s'appelle le Buffo marinus, de son nom scientifique, pour s'apercevoir qu'il ne s'intéressait absolument pas au parasite. Le parasite est un coléoptère qui vole, le crapaud ne vole pas, donc ils ne pouvaient pas se rencontrer, c'est un peu comme la carpe et le lapin. Hein. Par contre, il bouffait tout le reste. Et c'est un crapaud qui a des pustules vénéneuses sur le dos. Alors, il avait été introduit dans la région de Townsville, dans les années 30, et depuis, il s'est propagé à travers toute la moitié nord du continent australien. On le trouve jusqu'en Australie occidentale. Et alors, il fait des dégâts considérables entre les petits animaux qui mangent et les plus gros animaux qui essaient de le manger mais qui meurent empoisonnés. Alors il faut un temps d'adaptation pour la faune locale. On dirait que la faune locale s'adapte. Mais d'une certaine façon, du côté de la faune, on retrouve métaphoriquement la question des relations entre la très ancienne civilisation aborigène et la civilisation importée. Oui, Peut-être conclure là-dessus. Une métaphore, effectivement, des relations coloniales. Et c'est sur ce crapaud métaphorique, Xavier Ponce, que nous allons clore notre conversation. Je vous remercie d'être venu nous faire part de votre science sur l'Australie, un pays, une île, continent sur laquelle vous avez écrit en particulier un livre, un petit livre mais précieux, qui s'appelle « Idées reçues », paru au Cavalier Bleu en 2007. Également un livre plus ancien qui s'appelait « Le multiculturalisme en Australie ». Au-delà de Babel, l'Harmattan, 1996, ce multiculturalisme, il est arrivé quand, en somme? Alors, le multiculturalisme a été, c'est une politique qui a été délibérée par le gouvernement Whitlam, qui a nommé un ministre d'immigration qui s'appelait Al Grassby, qui a compris que l'inverse du multiculturalisme, le monoculturalisme, ça ne pouvait pas marcher. L'Australie était déjà tellement diverse que si on voulait que les communautés vivent en bonne harmonie, ce qui est évidemment souhaitable, il fallait leur en donner les moyens. Et il fallait donc éliminer les discriminations. Il fallait non pas que les viser à ce que les immigrants s'assimilent, ce qui était le but des autorités avant la mise en place d'une politique de multiculturalisme, où on s'attendait que les immigrés italiens, grecs, turcs, etc., abandonnent leur culture d'origine, leur langue d'origine, pour se couler dans le moule. Avec la meilleure volonté du monde, c'était pas possible. Alors, Grasby et Whitlam ont fait en sorte que les immigrés puissent pratiquer leur culture tout en vivant avec des Australiens d'origine britannique. Il y a un point que je voudrais souligner, c'est qu'on confond souvent le communautarisme, dont on fait un adversaire redoutable, à juste titre, me semble-t-il, et le multiculturalisme, qui a mauvaise presse en France. Parce qu'on le confond avec le communautarisme. Pour terminer sur une métaphore, je dirais que le communautarisme, c'est une mosaïque. C'est-à-dire que vous avez des éléments qui sont séparés les uns des autres, qui ne se touchent pas. Tandis que le multiculturalisme, c'est une salade. Tous les éléments se côtoient, se mélangent, et chacun donne du goût à l'autre. C'est ça le multiculturalisme, et ça me paraît incontournable. Et vous le saluez dans ce livre. Votre ouvrage le plus récent est de 2009 et je traduis le titre parce que c'est en anglais, paru au Cambridge Scholars Publishing. Les messagers d'Eros. Oui. Les représentations du sexe dans l'écriture australienne. Oui. Je voudrais enfin signaler le numéro de l'histoire, des collections de la revue L'Histoire, très précieux, numéro 66 de janvier-mars 2015, qui s'appelait « L'Australie des aborigènes aux soldats de l'Anzac ». L'Anzac, c'était le corps expéditionnaire du côté de Gallipoli. Vous y avez publié un article, très utile. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter, télécharger cette émission pour la conserver dans l'éternité des temps. Samedi prochain, justement, nous parlerons de la lenteur. La lenteur, une longue résistance, en compagnie de Laurent Vidal, qui vient de publier un livre éclairant sur ce sujet. Résistance à la précipitation. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine à la question suivante, je le cite, « Comment tu sais, point d'interrogation, une histoire de la transmission des savoirs ?» C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée très précieusement, comme toujours, par Jeanne Guéroux, réalisée très précieusement par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Jacques Hubert, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.